Première ronde du repêchage hier, on en parle avec Hugues Fouché. Salut Hugues! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Un peu dépassé par Bill Belichick, mais ça, on va oui. en reparler. On va en reparler, oui. On aura amplement le temps d'en reparler. Comment t'as trouvé oui. la première ronde? Je suis content, parce que moi, je faisais longtemps que j'avais calé que les Steelers n'avaient pas le choix de repêcher Kelly Pickett. Oui. Donc, oui. ils l'ont c'est, fait pour c'est du arrivé. Local. Donc, oui. Maintenant, comment t'as trouvé ça? Tes approbations de la première ronde et à quoi? J'ai adoré la première ronde. Honnêtement, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est moi, mais c'est un des repêchages que j'ai eu le plus de fun, je dirais, le plus de plaisir à suivre pour plusieurs raisons. Il y a eu des rebondissements, c'était intéressant. Beaucoup de choix que j'attendais pas, mais que, comment je peux dire, mais qui étaient logiques, qui étaient des choix le fun, tu sais. Puis aussi, peut-être parce que les équipes, pour une fois, ne se sont pas lancées à tête perdue sur des corps arrière qui valent pas les choix. Tu sais, tout le monde a gardé la tête froide. Il y a eu un corps arrière, finalement, de repêcher, puis c'est effectivement le meilleur du groupe avec les Steelers. Puis j'ai trouvé ça... J'ai beaucoup aimé cette première ronde-là. Je l'ai trouvée très divertissante, puis c'est vraiment le fun à suivre. Mes deux choix préférés, je te dirais que c'est... Écoute, j'ai tellement trouvé ça le fun de voir Aiden Hutchinson, qui est un petit gars de Détroit, tomber au Lyon au deuxième rang. Je trouve que c'est le fun de voir qu'ils ont pu... Écoute, c'était le choix logique. Ils l'ont pas repêché parce que c'est un produit local. Ils l'ont repêché parce que... Mais c'est le fun de voir que ce gars-là qui a grandi comme fan des Lions, qui a joué son université au Michigan, va se retrouver à Détroit. Puis évidemment, au 20e rang, de voir Kenny Pickett tomber aux Steelers, c'est tellement le fun. C'est aussi un joueur local. C'est tellement le fun pour les partisans, je trouve. Puis honnêtement, je trouve qu'au 20e rang, c'est un très bon choix. Tu sais, je veux juste dire comme ça, là, pour les gens qui disent « Ah, je suis pas sûr qu'ils... » Tu sais, au 20e rang, là, puis moi, j'avais le même raisonnement avec Mac Jones l'année passée quand il a été repêché 15e. Ouais. Au 15e ou au 20e rang, Danny, là, tu tombes pas nécessairement... Même si tu repêches à une autre position, tu vas pas nécessairement repêcher une grande vedette au 20e rang. Là. Ben regarde les carrières. Tu repêches un réserviste. Regarde les carrières qui ont été repêchées. C'est pas nécessairement des premiers choix overall là, qui performent. Là. Non. Pat Mahomes, Josh Allen, je crois. Tout à fait. C'est parce que souvent, c'est des carrières qui sont mieux protégées, sont mieux oui. encadrées. Oui. Et, oui. Regarde les carrières. Ah oui, écoute. Hein? Écoute, l'année passée, inverse Mac Jones puis Trevor Lawrence. Mac Jones aurait probablement été une catastrophe s'il avait été obligé de jouer avec les Jaguars parce que personne, hein, on s'entend. Alors Trevor qu'à l'inverse, Lawrence, probablement. Il aurait ressemblé à lui avec Clemson. Oui. Probablement. Oui. Probablement. C'est sûr que ça a un gros impact. Puis Pickett, il tombe dans une super situation avec les Steelers. C'est une bonne équipe, c'est une bonne organisation. Il y a encore bien leurs jeunes. C'est parfait. Moi, j'adore ce choix-là. Là. C'est deux coups de cœur. C'est de voir Hutchinson avec les Lions, de voir Pickett avec les. C'est pour ça que j'ai aimé. C'est pour ce genre de choix-là que j'ai adoré cette première ronde-là. Ça tombe bien. C'est le fun de voir ça. Bref, ça a été. Puis écoute aussi. J'ai aimé voir, pour moi, les deux grands gagnants de la première ronde, c'est les deux équipes de New York. Honnêtement, ils ont fait, j'adore leur draft, autant les Jets que les Giants. Puis je trouve ça le fun de voir ça, que il y a des équipes peut-être de bas de classement qui vont s'améliorer cette année avec des bons drafts. Là, les Jets, sérieusement, bravo. Là. Trevon Walker, premier choix. Écoute, c'était ça, hein. C'est beaucoup de gens le projetaient. Moi, j'avais pris Evan Neal parce que je pensais que ça aurait dû être le choix. C'est un choix qui est très, très risqué. C'est un joueur qui était même pas dans le top 20 de personne avant le NFL Combine. Mais c'est un gars qui a énormément de potentiel. Là. On n'enlève pas ça. Mais j'aime pas le voir arriver dans une organisation qui a la réputation justifiée de mal développer ses jeunes. Okay. Parce que c'est un jeune qui va avoir besoin d'être développé. Puis moi, je trouve qu'il tombe dans la pire situation. Je trouve que j'aime pas ce... Ils auraient dû prendre un produit fini. un joueur que qui pourront pas scraper. Puis malheureusement, je pense que Walker, ça sera pas un mauvais joueur, mais il aurait eu besoin peut-être d'un meilleur encadrement que ce qu'il risque d'avoir avec les Jaguars. Mais j'ai des craintes. Tu sais, c'est pas. Je trouve qu'ils auraient dû prendre un joueur qui est mieux préparé. J'aime pas tellement ce choix-là, mais on s'en attendait. C'est ce que la plupart des mock drafts donnaient. Là. Je t'ai demandé le choix de nos Pats. Oui. Je t'ai demandé dans le mock draft le choix. Si je t'aurais dit Cole oui. Strange, le premier choix des Pats. Non. Est-ce que tu. Écoute, je te décris. Après le repêchage, écoute, je vais t'avouer, là, recules, David, je suis tombé en bonne ma tête. Là. Tu l'avais même anticipé. Puis Belichick l'a fait par le passé. Oui. Belichick, c'est oui. Le gars qui recule plus qu'il avance dans les repêchages. Oui. Ça, c'était pas surprenant. Oui, mais sauf que tellement. Écoute, je regarde la liste des joueurs qu'il a laissé passer en plongeant du 21e au 29e. Puis je pense que ça va revenir là, hanter parce que c'est un draft que beaucoup. Je vais juste te donner la liste des joueurs. Trent McDuffie, qui est un cornerback assez fantastique, que beaucoup de gens voyaient. T'as C.G. Davis disponible, qu'il faut que tu le remplaces. Là. Oui, exact. Puis là, t'aurais eu McDuffie. T'as Quinn Walker, qui est un linebacker de Georgia, que beaucoup de monde voyait avec les pattes. T'as Khalil Elam, qui s'en va à Buffalo. Ça va faire mal. La seule faiblesse de la défensive de Buffalo, c'est qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas de deuxième cornerback. Il y avait White d'un côté, mais il y avait une faiblesse de l'autre bord. Alors là, ils viennent d'ajouter un deuxième corner, puis Von Miller, pendant l'entre-saison, cette défensive-là va être vraiment mortelle. T'as eu Tyler Linderbaum qui est allé, qui aurait été parfait pour... Si tu voulais un joueur d'intérieur à l'attaque, ça aurait dû être lui, là, pas Strange. Qui s'en va avec les Ravens. T'as Jermaine Johnson, qui était un fit parfait pour les Patriots, qui s'est fait prendre par les Jets. Puis t'as Devin Lloyd, qui s'en va aux Jaguars. Écoute, ça fait mal. Là, tu regardes cette liste-là, puis tu te dis, mon Dieu, qu'il y avait du bon joueur de football là-dedans, que Belichick a laissé passer. Mais c'est ça, c'est Belichick, c'est pas surprenant, chialer. Mais... On a-tu droit de chialer? Oui, non, effectivement. Oui. Non, t'as raison. Avec tout le succès qu'il y a eu dans le passé, mais je vais te dire ça, je me demande à cette statue si Belichick est pas un peu tombé en amour avec son propre personnage. Tu sais, le gars qui fait des choix bizarres. Ouais. Tu sais, le gars qui fait des choix bizarres, l'espèce de savant fou là, qui fait des choix bizarres, mais qui finalement ça finit par marcher parce que c'est tellement un bon coach. Mais là, il est allé loin, là. Cole Strange. Puis en plus, était il aurait été en troisième ronde. En deux. Je suis convaincu. Écoute, NFL Network oui, et ESPN ont même pas de film sur lui. Fait que, tu sais. Non. C'est quoi qui pressait de le repêcher? Moi, j'en reviens pas. Je vais te donner la meilleure image que je peux te donner. Ouais. Je vais juste te décrire la scène. Okay, je suis allé après le repêchage voir ce que les gars de NBC Boston en pensaient. Il y avait Phil Perry, Tom Curran, puis. Albert Breer, qui était en onde pendant leur pêchage, sont trois gars assez connus à Boston. Là. Ouais. Phil Perry, c'est c'est celui qui a les meilleurs insights. C'est un jeune journaliste, il est très bon, puis souvent, il a les meilleurs insights sur les Patriots parce que Belichick l'aime beaucoup. Puis lui, ça fait deux, trois semaines qu'il avertit le monde de dire ça risque d'être la ligne offensive, tu sais. Puis tout le monde à Boston dit, si Phil Perry le dit, il doit avoir des informations, mais même Phil Perry en revenait pas de ce choix-là, alors qu'il savait. Puis c'est un gars très modéré d'habitude. Tom Curran aussi, c'est des gars modérés, c'est pas des gars, mais honnêtement, premièrement, quand Cole Strange est sorti, Tom Curran avait aucune idée de c'était qui. C'est très drôle. De fait, j'ai regardé, il a vu qui. Puis là, Perry, qui était mieux, tu sais, qui est celui qui suit le draft de plus proche, a comme eu un moment de silence parce que comme fait, comment je peux essayer de dire ça en ayant l'air quand même positif parce que c'est un choix horrible, là. Tu vois qu'il regarde les autres puis il finit par donner le pedigree de Cole Strange et là, Curran regarde son application puis il dit, juste pour vous dire que selon les maisons de Paris, il y avait 93% de chances que ce gars-là se retrouve en troisième ronde. Même pas en deuxième, en troisième. Ah oui, écoute, c'est incompréhensible comme choix, honnêtement, mais Écoute, il va peut-être devenir très bon, non, mais mais c'est parce que quand c'est un gars. quand tu connais la philosophie des Pats et Oui. Bill Belichick, lui, il a un plan, puis il faut qu'il repêche pas comme tout le Oui. monde. Puis à quelque part, lui, il a Non. un plan pour chaque joueur, puis il faut que le joueur Raison. accepte son rôle, puis souvent il l'accepte. C'est ça que. Donc, Oui. s'il l'a repêché en première ronde, c'est que Belichick a tombé probablement. Lui, il l'aime en maudit, puis il est Oui. convaincu à 300% que c'est un gars qui va être dans le rôle des Oui. passes puis qui va accepter le rôle. Oui, puis peut-être, comme je t'ai dit aussi, qu'il est tellement tombé en amour avec son propre personnage, Ouais. Belichick, que de repêcher un gars qui est projeté en troisième ronde par tout le monde, puis en faire un genre de pro bowler, on dirait que c'est son plus grand plaisir dans la vie. C'est que de déjouer les pronostics, c'est que, tu sais, je pense qu'il a fait encore ce genre de choix-là, mais ça, c'est son choix le plus bizarre depuis celle-là, honnêtement, j'ai jamais vu ça, là. C'était comme. Puis quand tu dis que Tom Curran, il regarde les deux autres, puis il a aucune idée de qui on parle, là. Tu sais, il est comme, ben là, il y a même pas de film sur lui, comme tu dis, sur Alors, NFL ESPN Network, puis t'sais. NFL Network ont même pas de film sur Non. lui, donc tu as une idée là. Puis Sorti il était du prêt, eux champ autres, ils gauche. sont prêts, eux autres, là. C'est d'un. Oui, c'est ça. C'est complètement sorti du champ gauche. Mais complètement sorti. Hey, Malik Willis qui a pas sorti. Écoute, je me rappelle dans les mock Surprenant, hein? drafts, on disait, il y Oui. en a même des mock drafts qui le voyaient cinquième ou sixième. Certainement que le fait qu'il joue pour Liberty, Oui. c'est ça que je veux contre, hein. Parce que oui, parce que écoute, c'est un gars qui coche toutes les cases, mais il a joué à un niveau de compétition plus bas. Puis comme je t'ai dit, pour une fois, peut-être parce que Jimmy Garoppolo puis Baker Mayfield sont encore disponibles, mais pour une fois, puis là, ils ont comme, comment je peux dire, les équipes ont pas rushé sur les quarts arrière. Ils se sont dit, garde, on va attendre. Peut-être que si on repêche pas notre gars, on peut toujours faire un trade pour Baker Mayfield ou pour Jimmy Garoppolo. C'est que les gars, tu sais, comme tout le monde est resté calme. Puis, normalement, ça aurait été logique de penser qu'un gars comme Willis serait sorti dans le top 10 parce que les équipes capotent tellement sur les quarts arrière. Et là, cette année, à part, comme je t'ai dit, Pickett est sorti 20e. Moi, je trouve que c'est une excellente place pour lui. Puis Willis, ben, ça va être un début de deuxième ronde. Il devrait sortir parmi les premiers ce soir, j'imagine. Parce que c'est quand même un très bon joueur. Là. Je veux dire, moi, j'aurais pas de problème à repêcher Malik Willis à ce stade-ci d'un repêchage, là, sans aucun problème. Mais au début de la première ronde, les 10 premiers, je trouvais que c'était un peu poussé, tiré par les cheveux, parce que comme tu dis, il vient de Liberty. On l'a pas vu contre une compétition. Alors, tu sais, mais en deuxième ronde, par contre, tu prends un gars qui pourrait peut-être devenir un partant dans la NFL un jour, c'est un très bon choix, là. Tu sais, il est à sa place, tu sais, c'est parfait comme ça. Il va avoir moins de pression quand il va arriver dans la NFL. Les attentes vont être moins hautes, puis il va pouvoir prendre le temps de se développer. Donc, je regarde les receveurs de passe 1. Je t'entends Oui. les compter. Comment il y en a sorti 3? À date, j'en ai 3. Oui. Comment il y en a sorti 4? Donc, 5. Il y a 5, Oui. il y a 5, 5 receveurs de passe qui ont sorti en première ronde. Oui, et là-dessus, quand je te parle d'un draft divertissant, les Lions sont passés du 32e au 12e. Et là, tout le monde s'y met à s'énerver et à dire, c'est pour un quart arrière. Et là, je vois ça, puis il repêche un receveur de passe blessé, mais qui est super bon, mais qui est blessé, puis qui jouera peut-être pas avant tard cette année. Et là, je me dis, mon Dieu, j'écris, j'ai pas vu ça souvent. Puis Stéphane Cadorette m'a répondu, puis il a raison, là, que les Falcons avaient fait ça pour Julio Jones dans le temps. Donc, tu sais, c'est déjà arrivé, mais pour un receveur de passe, c'est plus rare, mais c'est arrivé. On dit pas que Jameson Williams va être un qui va avoir le succès de Julio Jones, mais c'est un bon joueur. Mais en même temps, tu sais, Danny, les Lions, ils visent pas à aller en séries éliminatoires l'année prochaine. Ils peuvent prendre leur temps avec Jameson Williams. C'est que je déteste pas le choix. Si c'est une équipe qui peut prendre son temps et qui n'ont pas besoin de lui dès le début de l'année, ben ils vont lui laisser le temps de guérir comme il faut. Alors, les Lions sortent de là avec Aiden Hutchinson puis Jameson Williams. On peut-tu dire que c'est une meilleure équipe? J'ai aimé ça. Ça, c'est un choix que je me suis dit, tu sais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à avoir une équipe montée de 20 rangs pour aller chercher Jameson Williams. Mais je peux pas dire que je désapprouve. Tu sais, je pense que c'est un. Je comprends la raison pourquoi ils le font. Puis je pense que c'était divertissant. Puis c'était un move qui est quand même intelligent à la fin de la journée. Ah ouais, effectivement. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Donc, ce soir, ça recommence. Oui. TSN, ABC et tout ce que tu voudras, là, ils sont en nombre. Moi, je vais l'écouter, je vais le suivre à ESPN Radio parce que je travaille. ESPN Radio le présente Ah. aussi. Fait que, donc, Oui. fait que, Question Danny, les oui. Pats nos Pats sont deux, ont un choix de deuxième, deux choix de troisième, puis je pense trois choix de quatrième. Ils font quoi? La quatrième ronde, ça va être demain, là, mais c'est incroyable. Ils font quoi c'est ce soir? Choquant quand tu regardes ça, que Cole Strange, tu me dis ça, 80. Mais, quand tu dis que 93% des chances qu'il soit disponible en troisième Oui. ronde. Oui, monsieur. Donc, c'est, puis avec le nombre de Puis ils choix sont de allés. pêchage, qu'est-ce qui pressait tant que ça, ce qu'on regarde? Mais en même Ah, temps. j'écoute, je ne sais pas. Honnêtement, je serais à court de donner une explication. Je vois aucune raison logique à faire ça, sauf de dire, écoute, comme tu disais tantôt, on peut pas chialer contre Belichick après tout ce qu'il a fait, donc il faut quand même lui donner le bénéfice du doute, tu sais. Mais c'est particulier comme décision. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire ce soir. Écoute, est-ce qu'ils vont monter? Parce que là, ils commencent à avoir une multitude de choix. Il va falloir qu'ils les utilisent à un moment donné. Ils ne peuvent pas continuer de descendre puis d'accumuler des choix. Ça n'a pas de bon sens. Alors, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher ce soir? Il y a des très bons joueurs. Moi, j'aimerais tellement. Écoute, il reste quelques bons cornerbacks. Andrew Booth est Mais encore c'est là de Clemson. C'est une des faiblesses, surtout avec l'acquisition avec la perte de Davis. Oui. Là. C'est oui. Il y a un receveur de passe éloigné des zones profondes. Est-ce qu'il en reste des bons pour. Oui, il en reste plein. Ouais. Christian Watson est encore là. Notamment, il en reste plusieurs bons. Et puis, au niveau des cornerbacks, moi, je pense que Kyler Gordon de Washington, à qui je donnerais une chance de devenir un des deux ou trois meilleurs cornerbacks de ce draft-là, est encore sur le board. Il est excellent. Il a glissé parce qu'il n'a pas eu un très bon NFL Combine. Mais il a une valeur de première ronde. Il a comme juste été un peu oublié dans ce repêchage-là. Si j'étais Matt Belichick, Doral j'essaierais de peut-être de Cincinnati, paquer. On a entendu parler, pas de Cincinnati, mais on a entendu parler beaucoup dans l'année, oui. pas sorti également. Au le mythe, carrière de non. Cincinnati aussi, mais lui, les Pats, ils sont corrects dans les carrières. Ouais, non, ça ne sera pas les Pats, mais c'est que. Non, mais Danny, c'est pas les quarts, mais sauf que s'il y a un rush sur les carrières au début de deuxième ronde, ça va laisser peut-être un meilleur choix pour les Patriotes un peu plus loin si Belichick veut pas trop monter là. On souhaite qu'il y ait un rush sur les quarts arrière pour que ça pour des équipes qui en ont besoin pour que ça permette aux équipes qui n'ont pas besoin d'un quart arrière d'avoir des meilleurs choix là, tu sais, moi j'aimerais voir John Metchie se retrouver avec les Patriotes ou un bon receveur de passe. Metchie est encore là. Il y a le kid aussi que tout le monde projetait en première ronde de Georgia. Excuse-moi son nom. Pickens, lui, est encore là aussi. Christian Watson est encore là. Alec Pierce est encore là. Ah, donc, il y a de très bons receveurs de passe. C'est sûr que quand tu rappelles il y a de bons des défensifs. Strange en première ronde, ça laisse de la place à d'autres excellents joueurs en deuxième ronde. Ben, écoute. S'il va chercher Kyler Gordon en deuxième ronde, exemple, Gordon aurait pu être le choix de première ronde, puis Strange être le choix de deuxième, ça va équilibrer les choses. Ouais. On va voir ça. Hugues Fouché, on s'en reparle lundi. Ça va être la dernière chronique aller jusqu'à l'automne, probablement, moi qui se passe de quoi de gros. Donc, merci beaucoup pour le plaisir de se parler. Avec plaisir. Notre ami Hugues Fouché qui nous parlait et qui donnait son appréciation sur la première ronde hier au repêchage de la NFL.